S'amoncelant dans le ciel, annonçait l'orage. Où avez-vous appris le tambour que vous racontez imite là, le bruit du canon. L'orage qui s'annonçait. C'est fou ce que les gens peuvent inventer. Nuages menaçants s'amoncelant dans le ciel. Nuages, etc. Nuages. Jusque là, inexprimé. Vous ne songez à ce que vous. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis ce que je veux. Vivre ici, jamais je n'y résoudrai. Moi, vivre ici. La lutte commence, elle se poursuivra, il faut s'organiser. Organisons-nous, il faut s'organiser. Adieu, Tripora, je serai contente si vous venez. Si vous voulez partir, voilà le moyen de réussir. Une aventure extraordinaire, une extraordinaire aventure. Est-ce que par hasard tu aurais pu? Jusqu'à hier, je ne savais rien. Dès que le jour parut, il suit son idée. Voilà tout. était tournée vers lui, les yeux étaient tournés vers lui. C'est tellement ennuyeux quand il ne nous arrive rien. Quand il viendra, je lui dirai. Quand il viendra, je lui dirai. Je vais trouver ce que tu cherches, j'irai trouver ce que tu cherches. Je vais trouver dans une minute ce que tu cherches. Vive, te regarder, t'aimer, te le dire. C'est même malheureux que cette histoire ne soit pas arrivée plus tôt. Où et quand puis-je te voir? Te voir. Commencer, je n'ai rien à perdre. C'est vrai, c'est fatal, ces choses-là. C'est vrai, j'y vais, je vais là où vous êtes, j'y vole. Je me déguise de façon que personne ne puisse me reconnaître, personne ne verra rien. Je ne résiste plus à tout ce qui va. Maintenant, il comprend. Je ne résiste plus à tout ce qui va. Disposé à vous suivre, advienne que pourra. Il a compris maintenant, il comprend. Le ciel t'aidera, le ciel t'aidera, le ciel t'aidera, le ciel t'aidera, le ciel t'aidera, le ciel t'aidera. Quand vous serez prêts, quand vous serez prêts, nous partirons. Nous partirons quand vous serez prêts, quand vous serez prêts. Certain, le temps avant-guerre, l'avant-guerre. Le plus intéressant de l'histoire est certainement la leçon qu'on peut en tirer. Ce n'est que par le connu qu'on peut arriver à l'inconnu. Le discours, c'est très difficile, on sent confusément que quelque chose de grave se prépare, hypothétique, possible. C'est une hypothèse. Thank you. time to wake up. Not sleeping, waking time. Qui va là? C'est bien elle, c'est bien elle, c'est sûr. Éblouir jusqu'à priver de la vue. Perdre la raison, défaillir. Ah, on te passe. S'assurer. Oh, kill Cock Robin! I said the sparrow with my bow and arrow. I killed Cock Robin. Encore une fois, encore. Who saw him die? I said the fly with my little eye and I saw him die. C'est bien elle, c'est bien elle. Puis tremble, puis expire. C'est dingue comme un oiseau. Et la voix qui chantait, c'est dingue comme un oiseau. Se pose et tout se tait. Qui? Qui êtes-vous? Oh, mais qui? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Oui? Non. Ah, c'est accent suprême. Ah, chacun, oh, joie extrême. C'est le héros que j'aime, je doute qu'il réussisse comme l'échanger par Dieu, par Saint-Georges Valjean. C'est lui le champion sur le cheval. Tagada, tagada, le dragon est mort. Je suis dans ses bras, viva, viva. Oh, mon ami, oh, mon ami. Mon doux ami, vaillant guerrier. Tra-la-la-la-la. Avez-vous appris ce que vous racontez? Ce que vous racontez là? Non! stepping. Time to get up. Right, time to get up. No dark waking time. No. If I stand up, I will blow away. Oh! If I stand up, I will blow away. What? If I stand up, I will blow away. Blow away? Yes. Blow outside? Yeah. Outside? Yeah. Elle lui dit, lève-toi, bon Dieu, lève-toi. Va voir dehors, c'est le moment, va voir. Lui, non, pense, c'est la nuit, vraiment, pas le moment, jamais pour moi. Rien à faire, ça, jamais. Si jamais je fais ça, je m'envole, quoi. Oh oui, je m'envole dehors. Frame now. Tomorrow. But not today. Don't talk. Talk to me. No. Lui, non, pas être ami, pas parler, pas bouger, give me that. Rien no. faire, no. rester no. là, don't pas bouger. No, I didn't. Monster. See, not talk. Lui, veut pas lui donner ça, pas lui donner rien. I'm gonna sing a song. Okay. Now it's your turn to sing. Now it's my turn to sing. It's my turn. No, don't do like that. That's how my song goes. Pas parler plutôt, I'm gonna oui, sing my mieux song. That's all. Lui, je vais chanter ma chanson. Elle, vas-y, chacun son tour maintenant. À moi, à toi, etc. C'est fini, ça y est, c'est fini. Long time ago. No, in that side of the line, inside in, in there. How about a stay like this? Elle, cachons-nous là, oui, cachons-nous, oui. Oh oui, on l'a déjà fait. Et lui, oui, la dernière fois. Ici, en dessous, là, oui. Et si je suis là, c'est bien. Let's get our ear for the monster. Ça suffit, il faut partir, à cause du monstre. I want to get you. For the monster comes, let's act up here. For the monster comes. Let's stay here, let's lui, stay here. Pas question, ça, jamais, pas de monstre, rien à voir. I hide you. Okay, I have this way. Here, si tu as peur, on se cache. Non, c'est pas la peine. Are you afraid? Uh-oh. Well, then hit the monster. Huh? The monster there. Alors, tue le monstre. Alors, no, tue I'm le monstre. I'm afraid. Not me. Not nobody. Over there with the people, really. Otherwise, I'd like to. Do grown up, when it's summer and time, always flowers could make, there you are, beautiful. Oh. You know what? I don't know. I wonder, I can't remember. Oh. Sorry about the... Pardon pour le... et le... j'ai le... It's just about... trouble de perte, je dois te rendre que... But the trouble is with... Tu as perdu. Ça prendra un peu beaucoup de temps, c'est ça le trouble. Thank you. a monster. Monster, hide, hide there. Good boy, yeah, good boy. Back, back, back, back. Say, no, no, no, no, no. Yes, yes, yes, yes, ah. Poor, poor Romeo. Time ago, long time ago. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. On sent que quelque chose se prépare de grave, que... Tout va mal, ici, de bas. Tout a recommencé, courir de nouveau. Argent. Courir de nouveau, en avant, en arrière. Une figure sphérique, qui commence au même point où elle s'achève. Vivre ici, non, moi pas, plutôt mourir. Bravo. On a raison, c'est vrai. Vous voyez bien que rien ne va plus. Le monde tel que nous le voyons est presque dépeuplé. Que faire? Écoutez, que faire? Titus a si j'ai repris Jérusalem. C'est ça. Moi aussi, moi aussi. Deux pouces de l'ordre. C'est la solution. Mes amis viendront. Accumulation plus intérêt plus idée absolue. C'est la solution. Il n'y a qu'une solution. On peut ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres d'une inégalité. 2. On peut ajouter membre à membre plusieurs inégalités de même sens. 3. On peut multiplier ou diviser par un même nombre les deux membres d'une inégalité. 4. On peut multiplier membre à membre plusieurs inégalités de même sens. Thank you. vive la liberté. Tout sourit à la jeunesse, l'enfance est révolue, le mouvement est spontané et autonome. Entends de guerre les sauvages d'Amérique sont armés de casquettes. Le réseau des enfants parcourt les hémisphères. Après la victoire, on chantera l'été dehors. Le prix de l'éloquence sera donné au laconisme. Chacun combattra pour ce qu'il aime. Ceux qui sont blessés dans le combat sont tenus de porter une étoile à l'endroit de leurs blessures. Les ingrats seront bannis. Ceux qui s'aiment seront époux. Le bonheur est une idée neuve en Europe. La cavalerie a chargé la charge de la cavalerie. Dieu n'est ni dehors ni dedans le monde. Les remords chassent le sommeil. La bande comporte un chef. À courir, concourir, discourir, parcourir, aucun de ces projets ne me paraît possible. Le nombre des étoiles est infini. Toute puissance d'une fraction irréductible est une fraction irréductible. Pour élever une fraction à une puissance, on élève chaque terme à cette puissance. Si deux produits composés l'un et l'autre de facteurs premiers sont égaux, ils sont nécessairement identiques. Si un nombre divise un produit de deux facteurs, il divise l'autre. Pour qu'un nombre soit divisible par le produit de plusieurs autres premiers entre eux, il suffit qu'il soit divisible séparément par chacun d'eux. Deux fusées rouges montent vers le ciel. Thank you. connais la fin de cette histoire. Ne jamais se séparer, se rassembler partout. Je dirai comme toi, je dirai comme toi. L'ordre du présent est le désordre du futur. Je connais ça déjà, oui, l'ardeur de conquérir. L'ardeur de conquérir, devoir aimer, vaincre et mourir. La vie n'est de quoi ? De la mort. Les ballons furent inventés par qui ? Par Montgolfier. Le brave se dévoue pour qui ? Pour sa patrie. Juliette plus Roméo. Roméo plus Juliette. L'action de masse, oui, c'est elle qui fondera l'avenir. Mort, Montgolfier, patrie. Il suffit qu'ils soient divisibles séparément par chacun d'eux. Le mouvement est spontané et autonome. Une vitesse initiale décrit une trajectoire rectiligne. Un peuple est toujours le maître de changer ses lois. Vous allez réussir. Ça y est, c'est fait. De 100 cris de victoire, ils remplissent les airs. Encore.